L'actualité à Nancy et ailleurs. Aider, secourir, former font partie des missions de la protection civile que nous allons découvrir maintenant en compagnie d'Alexandre Mailleux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur départemental adjoint de la protection civile de Meurthe-et-Moselle. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots le rôle de la protection civile ? La protection civile, c'est une association agréée par la sécurité civile, donc par l'État. Et on a quatre missions principales. La première, et qui va être notre cœur de métier, ça va être les missions de poste de secours qu'on va réaliser sur les manifestations privées ou publiques qu'on peut voir au quotidien dans Nancy ou l'agglomération. Ensuite, on a une mission évidente qui est la formation au grand public et la formation de nos bénévoles au premier secours, puisqu'on doit pouvoir intervenir sur tout type de situation lorsqu'on les rencontre. Ensuite, on a deux missions qui vont être un petit peu annexes. Ça va être le soutien aux populations en cas de crise. On a pu intervenir lors des attentats de Paris ou des attentats de Nice. On peut intervenir également lorsqu'il y a des inondations ou des catastrophes naturelles. Et ensuite, on a une dernière mission qui va être l'encadrement de bénévoles en situation de crise. C'est-à-dire que quand il y a une inondation, par exemple, des bénévoles vont se présenter spontanément en mairie ou en préfecture. Et nous, notre rôle, ça va être de les encadrer pour pas qu'il y ait une désorganisation des secours lors de ces opérations. Pour la Meurthe-et-Moselle, vous encadrez combien de bénévoles ? Alors actuellement, sur la Meurthe-et-Moselle, on a 180 bénévoles. Si on prend le prorata de la Lorraine, il y a environ 1000 bénévoles sur l'ensemble de la Lorraine. Donc avec une association meurthe-et-mosellaine qui est assez forte et qui s'étend d'année en année. Combien de temps prend la formation d'un bénévole ? Alors la formation complète d'un bénévole va prendre une centaine d'heures, entièrement assurée par nos soins. Et ce qui va se réaliser dans nos locaux au long de son cursus de formation. En général, on estime qu'en 1 ou 2 ans, on arrive à lui faire l'ensemble de la formation, sachant que c'est des gens qui ont un métier à côté, donc c'est du bénévolat. Donc on essaye de les former, notamment sur des week-ends ou les semaines de vacances scolaires. Et quel est le profil de celles et ceux qui se proposent pour faire du bénévolat ? Alors, on a tous les profils. Ça va de l'artisan aux professions un petit peu supérieures, comme des ingénieurs ou des docteurs. Il y a vraiment tous les profils. On parle souvent d'aventure humaine puisqu'on va rencontrer ici tout type de personnes et tout type de profils. C'est vraiment une ouverture d'esprit puisqu'on a aussi bien des personnels qui viennent du milieu médical que du milieu industriel, c'est très varié. Et est-ce qu'il y a un âge limite pour commencer ? Alors il n'y a pas d'âge limite, mais en général on conseille pas avant 16 ans puisque oui. 16 ans c'est l'accessibilité aux formations premier secours en équipe qui permettent d'être vraiment opérationnel sur le terrain. Alors pour bien débuter, si j'ai envie de me former, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Alors si vous voulez vous former, nous on organise tous les lundis soirs entre 18h30 et 20h des permanences d'information à destination de l'ensemble du public, que ce soit sur les formations ou sur l'action de bénévolat qu'on peut mener et le recrutement tout au long de l'année. Tous les lundis, donc c'est au Square Scherzer en face du lycée Prouvé à Nancy, rue de Bonsecours, et on accueille en général 5-6 personnes tous les lundis soirs qui viennent se renseigner sur nos activités. Est-ce qu'il y a un coût à ces formations ? Alors ces formations ont bien sûr un coût, mais lorsqu'une personne devient bénévole à la protection civile, bien évidemment, ces formations sont prises en charge à 100%. Pour les formations grand public, qui veut être le PSC1 par exemple, qui peuvent être demandées dans certains cadres professionnels, comme les assistantes maternelles, les conducteurs VTC, on va demander 65 euros et 45 euros pour un tarif de groupe. Si la personne arrive à rassembler 5-6 personnes autour d'elle, on passe à 45 euros par personne. Donc le plus simple, c'est de venir à votre rencontre lors de ces réunions les lundis soirs, ou aussi, bien sûr, vous retrouver sur les réseaux sociaux ou le site internet. Alors tout à fait, donc on est présent sur Facebook, Twitter, et on a notre site internet qui est le www.adpc54.org, qui est le point d'entrée pour les formations, les dispositifs prévisionnels de secours et les informations sur l'association. Alexandre Mailleux, merci beaucoup. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.